Audiomatique. Classic gentlemen, say your prayers to the wind of prostitution, to your faces and Rex complexes, riddle my breast full of the oppressed past. Gentlemen, with your fish that you surround all around, and you men will always point your fishes at me. Le défunt groupe anglais Bauhaus introduisait la transmission 239 d'Audiomatique avec la chanson The Three Shadows Part 2, extraite de son troisième album studio The Sky's Gone Out, paru en 1982. Les sonoristes ne vivent que pour les sons et c'est pourquoi ils laissent la place au son durant les transmissions d'Audiomatique. laissé sur la musique de l'artiste équatorien Nicolas Cruz que se terminait cette suite musicale de trois pièces à Audiomatic. De son tout nouvel album Siku, nous écoutions la composition Siete. Avant Nicolas Cruz, c'était la formation de Comet is Coming et la pièce Star Furnace qui apparaît sur leur premier album Channel the Spirit, sorti en 2016. Et nous amorcions la séquence avec Download, le projet de Kevin Key et Feu Phil Western. De l'album Effector, sorti en 2000, nous entendions la composition The Guide. Audiomatic avec les sonoristes se poursuit cette fois avec le groupe allemand The No Twist. That all that day. cold. Does anyone remember who I am? In a few moments, you will have an experience which will seem completely real. It will be the result of your subconscious fears transformed to your conscious awareness. You have 5 seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1. It figures the averages all day long and all night long. Once in a while, he lets you steal a pot. But if you stay in the game long enough, you've got to lose. And once you've lost, there's no way back. Thank you. What is that fuzzy? Are you not? Or have you ever been? Move slowly. Nous entendions à Audiomatique DJ Shadow qui nous présentait sa composition What Does Your Soul Look Like Part 2 qui est en fait construite à partir d'échantillonnages de pièces de Billy Paul, The Growing Concern, Drum Session, Foreigner, Mystic Moods et Richard Harris. On peut retrouver cette pièce sur le single What Does Your Soul Look Like, mais également sur l'album compilation Preemptive Strike, qui regroupe tous les singles que DJ Shadow a fait paraître sur l'étiquette Mowax entre 1991 et 1997. Et précédemment à DJ Shadow, il s'agissait du groupe The No Twist, qui nous offrait la chanson On Planet Off de leur sixième album The Devil, You and Me, lancé en 2008. Toujours à Audiomatique avec les sonoristes. Allons-y maintenant avec la formation islandaise Kaylan Mikla. Thank you. Le projet Neon Indian de l'artiste texan Alan Palomo concluait cette courte séquence de deux pièces à Audiomatic. La pièce que nous écoutions de Neon Indian, soit Halogen, I Could Be a Shadow, se retrouve sur le deuxième album intitulé Era Extraña, paru en 2011. Avant cela, c'était la formation islandaise Kailan Mikla et la pièce Naturblum tirée de leur plus récent album Notftish Note. Nous mettrons un dernier clou dans le cercueil de cette transmission 239 d'Audiomatic en vous faisant entendre la pièce UMass du groupe américain Pixies. Cette chanson est tirée de leur quatrième album Trompe le Monde, paru en 1991 et qui a mené deux ans plus tard à la première séparation du groupe qui s'est reformé en 2004. La fin de la transmission 239 signifie seulement qu'il y aura, dans une semaine, le début de la transmission 240 d'Audiomatic. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter en direct mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Sinon, il vous sera possible de l'écouter en différé quelques jours plus tard sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Se trouvent là aussi toutes les archives des transmissions d'Audiomatic. Voici les Pixies et la chanson UMass. C'était Audiomatic avec les sonoristes. That's it!